يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر أنت الخالق أنت البارئ المصور يا غفار يا قهار سبحانك. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain, le saint, la paix, la sauvegarde, le préservateur, le tout-puissant. Celui qui domine et contraint, l'inaccessible, le créateur, le producteur, celui qui façonne ses créatures, qui absout beaucoup, irrésistible. Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ali, أنت القابض أنت الباسط أنت الخافض أنت الرافع أنت المعز أنت المذل يا سميع يا بصير يا الله يا الله أنت الحكم أنت العدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب سبحانك. Il n'y a de Dieu que Allah et Mohammed et son messager. يا مجيب أنت الواسع يا حكيم يا ودود مجيد أنت الباعث يا شهيد أنت الحق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي أنت الله يا حميد أنت المحصي le louable qui connaît les comptes de tous أنت المبدئ يا معين l'auteur qui fait entrer tout le monde dans le néant أنت المحيي والمميت qui donne la vie qui donne la mort أنت الحي القيوم le vivant l'immuable أنت الواجد المال qui existe, l'illustre. L'unique, l'éternel Seigneur, le déterminant. Allah. الله يا مالك الملك le roi des rois celui qui possède la générosité l'unique l'équitable celui qui la vérité Allah l'indépendant de toutes choses celui qui gouverne et celui le riche Allah le seul et unique Ya Allah celui dont il possède la générosité celui dont il aime ses créatures le seul et unique Dieu le seul et unique divinité Ya Allah le possédeur de toutes choses le seul et unique créateur Allah Allah le maître celui dont il est patient Ya Allah Ya Tajalalu